venir à cette conférence ayant pour titre « Comment se libérer de ses inhibitions », ceux qui en ont. C'est quoi une inhibition? C'est une maladie? Enfin, ça ressemble à une infection, une inhibition. Est-ce que c'est une maladie? C'est un problème, en tout cas. Mm-hmm. Et en même temps, c'est un avantage. Alors, il ne faut pas s'en libérer, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'il faut s'en libérer, et si on n'a pas d'inhibition, il faut commencer par en avoir. Si on n'en a pas, il faut en avoir pour ensuite s'en libérer? On ne serait pas mieux de ne pas en avoir et laisser faire le reste? Qu'est-ce que ça nous donne d'en avoir, pour ceux qui n'en ont pas? Ah, ça donne énormément de choses. Ça permet la descente de l'intelligence. Fait que si on est inhibé, on est intelligent? Si on est inhibé, on a tout ce qu'il faut pour devenir intelligent. Quoi. Puis si on n'a jamais été inhibé? Ah bien, on n'a jamais connu l'intelligence. On connaît peut-être l'intellectuance, on connaît l'expérience, on ne connaît pas l'intelligence, la capacité qu'a l'humain d'apprendre sur le tas, d'apprendre instantanément. Alors, si on n'a pas d'inhibition, eh bien, on ne connaît pas l'intelligence. Et si on devient inhibé, eh bien là, on devra souffrir. Et progressivement, on va être capable de déformer l'inhibition par de l'intelligence. Alors, nécessairement, on va être capable de descendre l'intelligence dans notre corps physique, donc dans notre vie. Qu'est-ce que c'est une inhibition? C'est un blocage. C'est une mécanique qui nous empêche de faire des choses naturelles. C'est une mécanique qui nous empêche de faire des choses simples. C'est une mécanique qui nous empêche d'être collectif. C'est une mécanique qui nous empêche d'évoluer. C'est un diplôme. Un diplôme, c'est une inhibition? Non, mais une inhibition, c'est un diplôme. Un diplôme de quoi? Un diplôme de l'évolution. Mais comment on acquiert des inhibitions? Comment on acquiert le diplôme? Ben, dans l'école de la vie. Ça. Oui. Il y a de cela quelques années, lorsque tu étais encore une espèce de Cro-Magnon, tu te promenais nu, tu avais des relations sexuelles à toutes les heures. Ah ouais? C'est le bon temps, hein? C'est pas ça, maman. Avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Ah ouais? J'ai survécu à ça. Parce qu'un jour, tu as été inhibé. Essaye pas ça aujourd'hui. De toute façon, tu es trop inhibé pour le faire. Alors, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que dans ta conscience, il y a eu la formation d'expérience, il y a eu la formation de mécanique amique, de mécanique astrale suffisamment convenable pour pouvoir permettre la descente d'un petit peu d'intelligence. Cela a engendré une inhibition. Cette inhibition engendrée, elle a été transposée dans ta conscience sous forme de message de ton père. Ton père, évidemment, qui est mort depuis longtemps, le père qui fait partie du culte des ancêtres, et progressivement, ça va devenir le père créateur, bref, un dieu. Ce dieu va engendrer une inhibition chez toi, c'est-à-dire qu'il va placer des blocages psychologiques de façon à ce que tu restreignes totalement ton appétit sexuel, et parce que l'onde de forme d'un corps nu engendrait immédiatement l'amener d'un archétype qui faisait que tu avais le goût d'avoir des relations sexuelles, eh bien, il y a eu une inhibition au niveau du corps physique. Tu as commencé donc à cacher les parties qui t'amenaient à des sécrétions, qui t'amenaient à des relations sexuelles. Et tu as eu l'inhibition de la relation sexuelle qui a fait qu'on a amené l'idée du mariage, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une accréditation de Dieu qui va permettre de baisser la barrière inhibitrice entre toi et certaines femmes, ou entre toi et une femme, dépendant évidemment des théologies de l'époque. La religion a donc été, pendant un grand laps de temps, tout ce que tu faisais comme vie était uniquement manger, courir, puis te reproduire, même si à l'époque tu n'avais pas l'idée que la relation sexuelle amenait des enfants. Sauf que c'était uniquement le but de ta vie. Alors, de réincarnation en réincarnation, de reproduction en reproduction, tu as fini par être suffisamment inhibé, et là, toute l'énergie de ta vie ne pouvant plus s'exprimer uniquement par le fait de courir après les femelles, tu as été inhibé, et dans l'inhibition, tu as été obligé de pousser toute l'expression de ta vie dans le caractère spirituel. Maintenant que tu étais spiritualisé, tu avais une inhibition physique. Par contre, tu pouvais parler de Dieu, tu convoitais les peuples, les autres peuples uniquement pour leur amener la bonne parole, à coup de hache s'il le fallait. Tu faisais du pays à pays, aujourd'hui on fait du porte-à-porte, mais à l'époque c'était du pays à pays. Et puis, tu ne vivais que pour ton Dieu, alors qu'avant, tu vivais que pour pour la relation sexuelle. Maintenant que tu ne vivais que pour ton Dieu, tu as mené suffisamment d'expériences, de désillusions qui t'ont amené à avoir une structure astrale, une structure psychologique telle que tu as pu recevoir encore une nouvelle forme d'intelligence, et cette intelligence t'a amené une nouvelle inhibition, que tu as connue, là, peut-être pas longtemps, cette vie-ci ou une vie ou deux. Une inhibition face à la matière spirituelle. Donc, une inhibition face à la spiritualité, une inhibition face aux religions, une inhibition face aux dieux. Donc, un blocage à ce qui avait permis l'évolution. Exact. Alors, à un moment donné, ne pouvant plus aller à l'église sans souffrir, sans être capable, la majorité des gens ici ne sont même pas capables d'aller se confesser. Ils sont inhibés. Parce qu'ils ne font plus de péché. Ah, ils vont dire, c'est ça. Ils font plus de péché. C'est pas de leur faute. Ils font des péchés tellement terribles que Dieu ne les pardonne pas parce qu'il faut pas à peine qu'il y ait l'église. Mais il y a énormément de personnes qui sont inhibées de l'église. Ils ne peuvent plus rentrer dans une église, ou ils ne peuvent plus rentrer au confessionnal ou parler à un prêtre. Ils ne peuvent plus. Alors ils vont dire, ouais, mais c'est parce que c'est niaiseux. Comme à l'époque, tu disais, ben oui, mais c'est parce que c'est animal, Dieu ne veut pas. Bon, on explique l'inhibition avec des paroles, on explique l'inhibition avec la psychologie, ça reste un blocage. Bon, alors il y a des personnes qui sont rendues à un point où ils ne peuvent plus, certains vont dire, le début de l'inhibition spirituelle, ça va être, moi je ne vais pas à l'église, mais je suis un pratiquant à ma façon. Ou encore, oui, mais je prie mon Dieu à moi. Ou encore, bon, on aura nos propres philosophies à un moment donné qui vont commencer à sortir de la philosophie organisée ou des religions organisées. Ça, c'est le début de l'inhibition spirituelle. Et là, je saute, il y a plusieurs autres inhibitions, évidemment, qui viennent se placer à l'intérieur de cela, parce qu'avant l'inhibition, après l'inhibition spirituelle, souvent, on aura l'ouverture vers le monde des affaires. Et pendant des individus, ça peut jouer entre l'un et l'autre. Alors, à un moment donné, tu auras l'inhibition de la matière qui va t'amener vers Dieu, l'inhibition de Dieu qui t'amène vers la matière, l'inhibition de la matière qui t'amène vers Dieu. Ce n'est pas, tu ne montes pas d'escalier, tu descends pour prendre deux chemins. La personne joue comme ça. Écœurée de la spiritualité, elle se lance, elle se vaute dans la matière. Écœurée de la matière, elle revient vers la spiritualité, etc. Jusqu'à un moment donné où l'inhibition de la spiritualité de la matière t'amène à une ouverture vers le mental. L'ouverture vers le mental te permet de mentaliser, ça te permet de comprendre les choses d'une façon plus logique et de rechercher non plus les phénomènes de foi ou de croyance, mais les phénomènes de savoir. Ça peut t'amener à la science, ça peut t'amener au cartésianisme, ça peut t'amener à différentes choses du genre. Ça peut aussi t'amener simplement à une petite transposition de la mécanique spirituelle. C'est plus Dieu, c'est les extraterrestres, c'est plus scientifique. Mais c'est un peu la même chose, tu ne les as pas vus, donc tu crois, c'est la foi. Mais une foi qui est l'expression du début de ton inhibition spirituelle. L'ésotérisme sera la même chose, l'ésotérisme est plus scientifique, plus mathématique. C'est aussi le symptôme d'une inhibition spirituelle. Quand l'individu est parvenu à l'inhibition mentale, et bien là, à l'inhibition spirituelle, il arrive au mental. Lorsqu'il arrive à l'inhibition mentale, il touche le summum de l'inhibition, qui est l'inhibition face à la désinhibition. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'inhibition du mental, ou face au mental? Quand je bois, il faut se poser des questions plus longues. Ah non, mais j'avais soif moi aussi. Bon, qu'est-ce qui arrive quand tu as l'inhibition du mental? Oui, parce que les autres inhibitions, là, j'ai assez de facilité à les sentir. Parce que tu n'as pas encore connu l'inhibition mentale. Peut-être. Mais tu vas connaître prochainement. Qu'est-ce que c'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Quand il va se couper la moustache, il va avoir connu l'inhibition mentale. Ah oui. Est-ce que tu t'es acheté un Doberman? Oui. Ah oui? Oui, puis justement, c'est... Il est dans un sac qui est à côté de l'escalier, près de la porte, je l'ai oublié. Mais c'est pas un Doberman, mais c'est un chien. Ah, c'est pas un Doberman? Non. Et ouais. Alors, j'ai pas trouvé de Doberman. Ah, ben, j'ai bien cherché, par exemple, la semaine. Ah, mais t'as pas trouvé de Doberman? Non. L'inhibition mentale, ça permet à l'humain de se libérer de la mentalisation. La mentalisation, c'est le processus mental de court-circuitage de l'ego et de court-circuitage de la pensée, qui fait en sorte que tout ce qui, jusqu'à date, avait régi nos vies n'a plus aucun sens. Donc, c'est le summum du cul-de-sac. Pour t'obliger à faire confiance à ce que tu peux appeler l'intuition, ce que j'appelle l'intelligence supramentale, faire confiance à ta capacité d'instantanéité, faire confiance à la vie, faire confiance à ce que tu ne comprends pas nécessairement, mais que tu vibres intuitivement, cela. Mais c'est en même temps, c'est un doute, parce que comme tantôt dans ce n'est pas un doute. Dans la spiritualité, c'est que tu commences à douter d'un Dieu. Tu commences, mais quand tu es inhibé, tu ne doutes pas. Tu fais quoi? Tu ne peux plus. Tu rejettes? Non, tu ne rejettes même pas. C'est des explications que tu peux donner. Pourquoi vous n'allez pas à l'église des Krishna, par exemple, aller danser, sauter avec eux autres un petit peu? Oh, je suis niaiseux. Non, c'est parce que vous n'êtes pas capable. Vous êtes inhibé. Et ce n'est pas une insulte que je dis, là. Si on parle de mécanique pour arriver à améliorer notre condition de vie. Non, c'est qu'il y a une inhibition. Parce que l'être humain n'a pas suffisamment, parce que tu n'as pas suffisamment d'intelligence pour ne pas aller sauter avec eux autres, eh bien, tu as une inhibition qui est amenée par ton intelligence, qui, elle, va faire en sorte que tu ne pourras mécaniquement pas aller sauter avec eux autres. Et là, tu vas dire, ouais, mais ça veut dire qu'eux autres, ils seront plus caves que moi. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'eux autres, ils ne sont pas inhibés là-dessus. Non, mais ils peuvent être inhibés sur d'autres choses. Ils peuvent être inhibés sur d'autres choses. Mais le fait de ne pas être inhibé, de pouvoir aller sauter avec qui on voudra, c'est pas nécessaire. C'est un problème. C'est pas nécessairement pour moi un signe d'intelligence. Le fait d'être capable d'aller sauter? Oui. Ben, c'est un signe d'intelligence dans un premier temps. Non, mais et après c'est un signe d'intelligence dans un deuxième temps. Parce que tu es capable de le faire ou parce que tu le fais? Parce que tu le fais. Ah oui? Ah! Parce que lui, il serait contenté de dire, ah ben, s'il faut être capable, je suis capable. Allez, oh. Parce que tu le fais. J'haïs ça quand ah, tu l'ego, lis. C'est un danger, hein? J'haïs ça quand tu lis dans mes pensées. C'est même pas dans tes pensées, c'est dans les pensées qu'il y avait dans ta tête. Mm. C'est même pas à toi. T'es trop intelligent pour avoir ce genre de pensée-là. Ok, merci. Non plus, c'est pas toi. C'est un récupérateur. Qu'est-ce que c'est la désinhibition? Pendant longtemps... Mais là, avant de se désinhiber, là, je n'ai pas encore compris totalement, une inhibition. L'inhibition, ce n'est pas un blocage. C'est un blocage, mais ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas un sentiment de non-attirance. Ou de... C'est tout ça. Oui. Mais ce n'est pas ça. L'inhibition, c'est... C'est que mécaniquement, on ne peut pas. Oui, mécaniquement, on ne peut pas. On n'a pas l'énergie pour le faire. Ça n'a rien à voir avec l'émotion. Ah ben oui, ça a à voir avec l'émotion, mais ça n'a rien à voir avec l'émotion. Est-ce que, par exemple, si je ne suis pas capable de boire, est-ce que c'est une inhibition de face à l'alcool? Ben, s'il n'y a pas d'alcool, non. Mais s'il y en avait? Ah ben, s'il y en a, oui. C'est que c'est mécanique, c'est pas une décision, c'est pas... Non, ben ça, non, c'est pas une décision. C'est pas une décision. Je pose la question, es-tu capable de te lever debout juste ici, tout de suite? Oui. Vas-y. Voilà. Capable. Voilà. Est-ce que c'était une des inhibitions? Non. Mais physiquement, je suis capable. Oui. Génétiquement, il n'y a rien qui m'en empêche. Ben, alors, si chez les Krishna, physiquement, tu es capable, génétiquement aussi, mais tu n'iras pas. Quand on parle de la désinhibition, on va juste finir avec le mental. L'inhibition mentale, premièrement, c'est qu'au niveau du mental, il arrive un point où ce que l'humain se pose des questions court-circuitées. Ce sont des questions logiques, des questions mentales qui sont merveilleuses. Par exemple, qui a créé l'homme? Il paraît que c'est Dieu. Mais qui a créé Dieu? Il paraît que c'est créé lui-même. Mais si lui était capable de se créer lui-même, l'homme a pu se créer lui-même aussi. C'est typiquement mental. Alors, il y a, ça, jusque-là, c'est intéressant. Bon, alors on rentre par exemple dans une église, et puis on observe les gens, et puis à un moment donné, on prend le crucifix qui est en avant, puis on le brise. Puis là, on voit que tous les gens se mettent à crier. Alors, le mental te dit, tu vois, les gens adoraient le crucifix, et non pas Dieu, ou et non pas le Jésus ou le Nazaréen. Les gens adoraient le symbole. Les gens sont des idolâtres. Parce que tu altères la forme et immédiatement, c'est le drame total. C'est le mental. Donc, le mental nous fait finir par nous amener à un point où on est mieux. Le mental te fait dire aussi, à un moment donné, c'est une évidence, je suis manipulé. Ce n'est pas moi qui définit tout ce que je veux faire. Ce n'est pas moi qui pense dans ma tête. Ce n'est pas moi qui décide, par exemple, que je ne dormirai pas en me couchant, que je vais m'endormir 2 heures après. Bon, ce n'est pas moi. Le mental permet cela, c'est génial. Mais quand le mental se réchauffe un peu plus, le mental continue de poser ses questions. Qui a créé l'homme? Dieu. Qui a créé Dieu? Il s'est créé lui-même. Alors, pourquoi pas l'homme? Et qu'est-ce qui prouve que l'homme existe? Et puis finalement, qui pose la question présentement? C'est le mental. Qui a créé le mental? C'est l'astral. Si l'astral c'est pourri, si le mental c'est pourri. Mais qui me dit que l'astral c'est réel? Et puis, bref, qui me dit que je vis? Et puis en plus, qui me dit que je vais mourir? Il y a tout le monde est mort jusqu'à date, mais peut-être ils sont même pas morts. Et puis qui me dit que, puis qui finalement, tu es rendu à un point où ce qu'il y a une fièvre qui commence à apparaître au niveau du mental, qui lentement est communiquée au niveau de l'astral, une fièvre existentielle, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, j'ai pas plus de raison de vivre que de mourir. Alors j'en suis à un point où je ne me suicide plus, ce n'est pas une solution, mais je ne veux pas vivre non plus, ce n'est pas une solution. J'ai le choix entre la mort et la vie. Alors, les deux sont mentalement ridicules. Et ça amène des individus à vivre une fièvre, une instabilité émotive, une instabilité mentale, une instabilité dans leur vie, qui les oblige progressivement à aller sur la corde raide. Alors, il y en a plusieurs qui vont laisser leur emploi, ou perdre leurs amis, perdre leur femme ou leur mari, perdre le goût de la vie, là, tu le perds totalement quand le mental mentalise. Parce qu'il n'y a plus d'appréciation à rien. Manger, c'est stupide. Pas manger, c'est con parce que t'as encore faim. Mais t'as encore faim, mais il est stupide aussi. Bref, finalement, toute la gustation de la vie s'en va. Parce que l'être humain s'en va vers un point où il se désassujettira totalement de la gestion évolutive typique de l'animal humain. Donc, de 4,5 milliards d'années, aller jusqu'à maintenant où l'humain est rendu à un point où le mental se mentalise lui-même. Tout ce qui est traditionnel ne peut pas répondre et le mental ne répond et ne pose ses questions qu'en fonction de ce que l'on sait comme expérience. Cela veut dire qu'il ne peut pas mener des réponses neuves, cela veut dire qu'il ne peut pas répondre à des questions cul-de-sac. Pour répondre à des questions de cul-de-sac, il faut que le mental passe à un autre plan qui est le plan d'intelligence supramentale, donc au-delà du mental, qui, elle, est de la mémoire galactique, qui, du point de vue de l'humain, devient de l'information instantanée, d'une envergure telle qu'elle peut amener des explications neuves et une saveur neuve. Et c'est elle qui va maintenant amener au mental et à l'ego, à l'astral, à l'âme, une nouvelle vision de plusieurs choses. Tu n'aimeras plus endocrinalement, tu vas aimer sentimentiquement. Il y a tellement de nouvelles visions de choses qui vont apparaître. Mais pour que cela se fasse, l'être humain doit parvenir à l'inhibition du mental. L'inhibition du mental veut dire ne même plus faire confiance à sa mentalisation, mais cela veut dire surtout la capacité d'entreprendre un contact avec un ajusteur de pensée, d'entreprendre un contact avec son propre esprit. Cela veut dire d'être capable de décoder d'une façon neuve les choses traditionnelles, les choses de la vie. Et cela veut dire être capable de retrouver une nouvelle forme de gustation de la vie sans qu'elle soit archétypée, sans qu'elle soit tributaire d'un goût collectif. Par exemple, pourquoi aimes-tu vivre? J'ai aucune réponse. Mais aimes-tu vivre? Non. Haïs-tu vivre? Non plus. Trouves-tu ça plate de vivre? Non. D'abord, t'aimes ça? Non. Ben, t'es de niaise? Non. C'est ça. Il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que ce que tu vis, il n'y a pas de mots pour le communiquer, ça devient télépathiquement communicable, intuitivement communicable, mais ça ne peut pas être enseignable. Alors, non, ce n'est pas plate, donc tu aimes ça. Ben, disons que j'aime ça. Mais j'aime, c'est pas vrai, c'est pas le mot exact. Je n'ai pas peur de la mort, je n'aime pas la vie. Mais pas comme on le verrait, pas comme traditionnellement on en parle. L'individu qui arrive à ce contact avec son ajusteur de pensée, un ajusteur de pensée, c'est une mécanique qui vous appartient, qui appartient à n'importe quel être humain qui a une pensée, sauf qu'elle est habituellement inopérationnelle, parce que l'humain se sert de son ajusteur uniquement pour ajuster le passé, pour ajuster la tradition. Qu'est-ce que c'est un ajusteur de pensée? C'est quelque chose qui va vous permettre de mettre du neuf dans du vieux. Vous lisez la Bible et vous le comprenez d'une façon nouvelle. Mais vous comprenez la Bible d'une façon nouvelle. Vous ne comprenez pas l'instantané ou la réalité ou le présent d'une façon ajustée. Vous comprenez le vieux. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il devient réellement opérationnel, c'est lorsque l'individu arrive à mentaliser. En mentalisant, l'ajusteur commence à rechercher des choses neuves. Et parce qu'il y a la crise aiguë du court-circuitement au niveau de la tête, pourquoi ça? Ben pourquoi ça? Pourquoi 5? Pourquoi pas 2? Pourquoi blanc? Pourquoi pas noir? Pourquoi noir? Pourquoi pas blanc? Puis pourquoi noir ou blanc? Puis pourquoi? Pourquoi? Puis pourquoi merde? Et là, l'ajusteur commence à se déconnecter du canal réincarnationnel, c'est-à-dire des voies qui permettaient la gestion de la mémoire. Et là, il fouille dans un plan qui est là, évidemment, qui est le plan de la vie. Et puis il ramasse l'information qui, maintenant, font partie d'un processus neuf d'évolution de l'humain. Mais rendu là, l'humain atteint un point d'inhibition suprême, qui va être l'inhibition face à la désinhibition. Et regardons ceci. Plus vous avez avancé dans un cheminement évolutif, plus vous êtes devenu pogné. C'est ça l'inhibition. Et c'est essentiel. Est-ce que tout ça, c'est une question d'énergie? Oui. Si on prend l'animal humain du début de tantôt, là, quand il a arrêté d'avoir des relations sexuelles, il a dirigé son énergie autrement, il a évolué vers la spiritualité et tout ça. Parce qu'on arrête de se préoccuper de tout le reste, on canalise l'énergie autrement. C'est ça, uniquement. Et c'est pourquoi plus l'humain évolue, plus l'humain devient pogné. Alors on va dire, oui, mais un être humain qui est évolué n'est pas pogné. Ça, c'est la vision évoluée de l'évolution. Alors on va dire, si vous seriez évolué, vous seriez capable facilement d'embrasser n'importe qui sur la rue. Ça, c'est si vous seriez involué. Parce que évoluer, vous allez être inhibé à ce genre d'exercice. Inhibé à ce genre d'exercice, vous ne pourrez pas le faire. Mais vous allez dire, ben non, on ne le fait pas parce que c'est idiot. Et le problème de l'inhibition, c'est que pour que l'humain ne puisse pas se désinhiber avant d'avoir atteint le summum de l'inhibition, la mécanique qui bloque, la mécanique inhibitrice, elle est totalement transparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul ego humain, une seule psychologie humaine capable de voir chez elle une inhibition réelle. elle verra toujours une coloration de choses, c'est-à-dire qu'elle dira, ah oui, je vois, je suis pas nié uniquement parce que je me suis fait battre quand j'étais jeune. On va toujours trouver. C'est la raison qu'on donne, mais c'est pas vrai. Tu serais pas fait battre, tu serais pas nié pareil. Je suis pas nié parce que mes parents m'ont appris à être raciste. Si tes parents auraient appris à aimer les autres races, tu serais pas nié pareil. Je suis pas nié parce que je me suis fait tellement fait jouer par les religions organisées. Tu sais, je me suis fait tellement fait fourrer par la religion. Non, jamais tu ne serais fait fourrer, tu serais pas nié pareil. Ou bien, tu serais à la recherche d'une religion. Oui, mais c'est parce que je suis gêné. Non, une coloration. Tu ne serais pas gêné, tu ne pourrais pas plus. Ben, c'est parce que tu n'es pas ajusté à moi. Ça reste faux. C'est parce que j'ai peur. C'est faux. Tu n'aurais pas peur, tu n'es pas ni pareil. Alors, on essaie dans la psychologie de mettre des mots sur l'inhibition de façon pour entreprendre un travail de libération. Et c'est ça le problème. On ne doit jamais se libérer. Est-ce qu'on doit de plus en plus, pas on doit, mais est-ce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, est-ce qu'on a de plus en plus d'inhibitions dans plus en plus de domaines? Oui. Et on doit tout faire pour ne jamais se libérer. Alors que la structure alors, de l'inhibition... Alors pourquoi on a fait un type de conférence, comment se libérer de cette inhibition? Mais c'est ça, c'est un type court-circuit. Il ne faut pas s'en libérer. Plus qu'on parle d'un autre sujet. On pourrait parler de la température, peut-être. On peut pas s'en libérer. Il ne faut pas s'en libérer. Mm-hmm. Jusqu'à temps que quoi? Allez. Il faut pas s'en libérer. Je crois pas ça. Non, ben c'est parfait. Faut pas croire non plus. OK. C'est bon d'avoir des inhibitions, parce que là, je le comprends énergétiquement. C'est que ça resserre comme un entonnoir à l'envers. Puis ça te montre ça, c'est une chose qui est importante. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes pris à ne pas pouvoir faire une chose, je n'allais pas contre vous. C'est une marque d'évolution. Ça crée un problème dans la vision que tu as de la mécanique. Mais ce n'est pas un problème dans la réalité. Je ne peux pas dire à mes enfants que je les aime, ça, tu es inhibé. C'est plate. Mais tu ne peux pas non plus t'en vouloir. C'est un processus normal, naturel de l'évolution. Et il faudra que tu apprennes à te désinhiber pour leur dire que tu les aimes, mais jamais à te libérer pour leur dire que tu les aimes. C'est quoi la distinction entre se désinhiber et se libérer d'une inhibition? Ça ne s'écrit pas pareil. C'est déjà... Oui, il y a ça. Il y a ça. En deuxième. La libération. Oh, il y a plusieurs. Tu as un palier inhibiteur, ton énergie passe par-dessus et tu arrives à vivre d'une autre façon. À un moment donné, un autre palier d'inhibition apparaît. Tu traverses à travers un petit trou, puis maintenant tu vis d'une autre façon. Tu es étranglé par en bas. Et tu es étranglé par en haut. Ça va. Sauf que la problématique, c'est que plus tu montes à aller chercher du haut, plus du point de vue de la vie humaine, tu es pogné. Bon. Ça, c'est quand on se libère? Ça, c'est quand on est inhibé. La libération veut dire éliminer l'inhibition, et là, tout ton schéma d'expression en haut descend d'un cran, tu descends en bas. Tu viens d'évoluer, mais tu sembles plus social, ou socialement ajusté, ou tu pourras sembler plus évolué. Alors, un exemple qu'on peut rencontrer, c'est que si on a dans une famille, le père, la mère et les deux enfants sont désinhibés l'un face à l'autre. Disons, sont inhibés. S'ils sont inhibés, vous savez un peu comment ça fonctionne, on est souvent inhibés. Bon. Donc, s'ils sont inhibés, ça veut dire que le père et la mère n'oseront pas se montrer nus devant les enfants. Donc, les enfants ont 10 ans et 11 ans. Les enfants, eux, avec, même chose. Donc, inhibition biologique. Pas sexuelle, ça n'a rien à voir. Inhibition corporelle. En plus, les enfants et les parents, probablement, ne parleront pas d'ésotérisme ou de spiritualité ou d'évolution, etc. Il y en a un qui va dire que c'est de la morale, etc. Bon. Ils ont l'inhibition à ce niveau-là. Les parents n'ont pas de se faire planter pour les enfants. Ça peut arriver. Les enfants de plomb, ils les chantent. Et il y aura inhibition au niveau communication émotive aussi. On ne sait plus comment rien dire. Les enfants non plus. Bon, inhibition. S'il y a libération, les enfants et les parents vont... Bon, tant qu'il y a inhibition, il y a plusieurs choses qui ne se font pas. Par exemple, tant qu'il y a inhibition totale entre les quatre membres de la famille, il y a... un respect forcé dans la maison. Il y a un respect forcé. C'est-à-dire que les enfants n'oseront pas, par exemple, arriver en retard s'ils savent que les parents les attendent. Bon, alors il y aura un respect forcé. Si les enfants arrivent en retard, même s'ils savent que les parents attendent et que les enfants auraient pu arriver à l'heure, c'est que les enfants sont libérés. Donc, ils ne sont pas inhibés. On a des familles, par exemple, où les enfants disent « Papa, maman, est-ce que vous, en parlant par exemple son père, il ne dira pas pour père, papa, c'est important, et est-ce que vous pouvez me prêter 5$? Ils vont vous voir les parents, et ça engendre un cadre assez inhibé, où on aura un respect forcé. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, il n'y a qu'une chose. Maintenant. Quand il se libère, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il demande 10 piastres ou s'il pose la même question? Oh, ce ne sera pas. Non, s'il se libère, premièrement, non, ou bien il va aller chercher l'argent sans le demander à ses parents. De toute façon, c'est ses parents, il n'y a rien à dire, madame. Libération. Le respect forcé vient de tomber. S'ils sont libérés, par exemple, au niveau du corps physique, ils seront libérés aussi au niveau du contact physique, c'est-à-dire que les parents pourront ramasser l'enfant n'importe comment, puis lui jouer des cheveux, m'en donner n'importe où, etc. C'est-à-dire, c'est comme on fait, par exemple, « Hey, c'est une bonne farce que tu viens de faire là, hey, donner une claque dans le dos, hey, t'es pas payé, toi, puis l'enfant, il avance de deux, trois pas. » Le respect, il n'y en a plus. On dit, voyons, mais ça fait de l'amitié, c'est juste amusant, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'intelligence qui gère la relation entre les deux, c'est de l'expérience, de l'émotivité. Cela veut dire que, de toute façon, ma claque, je peux violer l'espace vital de l'autre, puis l'autre n'a rien à dire. Ça, c'est de la libération. La libération, c'est on empiète le terrain du voisin. Oui, puis on se fout royalement de l'autre, il devrait simplement accepter la même chose. On devrait descendre un niveau d'inconscience du point de vue de l'intelligence, où chacun ne se rend plus compte qu'effectivement, il est devenu collectif, que bref, la majorité de ce qu'il est appartient à tout le monde. Si on regarde, à un moment donné, il y a eu une inhibition sexuelle pendant longtemps, et lorsque les sociétés ont commencé à muter, on a parlé énormément de libération sexuelle. La libération sexuelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à n'importe qui de coucher avec n'importe qui. Grosso modo, c'est ce que la libération sexuelle va faire. La libération sexuelle va, pour les personnes en phase de libération, mais un peu inhibée, donc on couche avec une seule personne ou deux, trois personnes, mais on couche plus souvent. Bon. Puis on fait l'amour, la lumière allumée, tu sais, bon. La libération, ce qu'elle amène, c'est qu'elle amène l'irrespect total d'une chose, puis l'intelligence que tu allais chercher à cause de l'inhibition s'en allant, tu redescends d'un cran, puis tu ne gères plus la relation avec l'autre en fonction de l'intelligence, tu la gères uniquement en fonction des facteurs archétypaux, l'animal humain. Bon, donc la libération sexuelle devient un problème extraordinairement majeur au niveau des sociétés, alors que la désinhibition sexuelle n'aurait jamais causé de problème. C'est quoi, la libération, oui. Donc, dans une famille libérée, entre eux, est une famille où tu mets le chandail de ta mère quand tu es une fille, il ne veut rien à dire, où le fils met le linge de son père, c'est bien normal, où, bon, on s'en va d'un bord puis de l'autre, le fils a 17-18 ans, bon, il prend les clés de la bagnole à son père ou à sa mère, puis s'en va avec, puis il revient avec, t'es crotté un peu, c'est pas grave, famille libérée. Sauf que c'est une famille qui, présentement, ne se sert pas du cadre familial pour évoluer. Ça en servira parce qu'à un moment donné, il y aura l'écœurement, etc. Bon, puis il y aura plusieurs choses qui vont se passer, mais ça devient une phase extrêmement souffrante. Ou bien, ils resteront libérés toute leur vie, mourront libérés, mais il faudra que ça commence par quelque chose. Une famille désinhibée, ça ressemblerait à quoi par rapport à une famille libérée? Ça ressemble à la même chose qu'une famille libérée, mais ce n'est pas la même chose. Je reviens à ton exemple de 5 piastres. Un enfant désinhibé ou une relation désinhibée entre le père et le fils, premièrement, il ne poserait pas, j'imagine, il ne demanderait pas ça avec vous. Non, ça c'est sûr qu'il ne parle pas au mental, à l'astral, au vital et au physique en même temps, donc il n'y a pas besoin de dire vous. Il s'adresse directement au mental, donc il dit toi. Et puis est-ce qu'il va le demander, quelle va être la différence dans la demande, dans la formulation de la demande? Au niveau de la libération, ce qui va arriver, c'est que tu n'as aucun problème à demander 5$ ou aller parler à ton père ou à ta mère, un exemple. Aucun problème. Mais s'il te dit non, ça ne te dérange pas du tout. C'est son droit. Libéré, tu ne peux pas te dire non. Parce que là, on va commencer à manipuler, payer le par-là. Le respect est tombé. Donc la libération, c'est plus comme un pacte, une entente que personne ne... C'est même pas une entente. Non. C'est un assujettissement à un égrégore collectif, mais c'est même pas une entente. C'est une mutuelle possession, l'un de l'autre. Quand le couple... Prenez des couples qui... Prenons un couple qui n'a plus de relation sexuelle encore, là, puis c'est un couple qui sont fiancés depuis 2 ans, puis qui sont connus depuis 5 ans, bon. Quand ils se marient, on les autorise à se libérer. Mais jusqu'avant, il y avait du respect mutuel, puis le gars, mettait encore son veston dans la flaque d'eau, tu sais, il allait s'en acheter l'un et l'autre après. Bon, ça fait un gars pour la niaise, hein. À quelle année, ça? Avec un fait le tour, c'est pas ça, bon. En 1800, quoi? Inhibition. Il y a respect, politesse. Il y a plusieurs choses qui se maintiennent, mais par la force des choses. L'inhibition oblige le respect forcé. Une fois marié, maintenant que la femme appartient à l'homme, puisque l'homme appartient à la femme, c'est pas un pacte qu'ils ont fait. Mais là, du jour au lendemain, là, tout change au complet. Maintenant, on est libéré, et là, le respect s'en va aux poubelles. Remplacé par l'amour psychologique de l'humain. Et s'il se désinhibait au lieu de se marier? S'il se désinhibait, ça n'avait pas, il se marierait. Il se marierait pas. Mais s'il se désinhibe, il va se passer quoi? Il va se passer que la communication de respect entre les deux êtres humains va être exactement la même chose, mais il n'y aura plus la mécanique qui t'empêche de passer. Autrement dit, si je suis inhibé avec toi, je ne pourrai pas accepter facilement si je vais chez toi. J'arrive chez toi, il a plu, je suis complètement mouillé. Et là, tu me dis, bon, ben écoute, ben, on va mettre ton linge dans la sécheuse, puis je vais te prêter du linge. Si je suis inhibé, je ne pourrai pas accepter ton linge. Si je suis libéré, ça va être déjà évident. C'est même avant même que tu me le dis, je vais te mettre mon linge dans la sécheuse, fouiller dans ton garde-robe. Si je suis inhibé, libéré, je ne pourrais pas le demander, mais quand tu le demandes, oui, tout de suite, puis là, tu me vois immédiatement commencer à me déshabiller au salon, à aller porter mon linge dans la sécheuse, puis là, je suis chez moi, chez vous. Là, j'étais inhibé, mais à peine, de tout ce qu'il me fallait, c'était un mot clé pour que là, tu me libères. Mais si je reste inhibé, tu me demandes, bon, ben veux-tu, crime, on va mettre ton linge dans la sécheuse, je vais te passer ma robe de chambre en attendant. Déjà là, toi, si tu es inhibé, tu vas avoir de la difficulté à me passer ton linge. C'est ton espace vital. Alors, plus on est évolué, plus on est pogné, exact. Mais si on se désinhibe l'un en face de l'autre, tu vas te rendre compte de l'absurdité de me laisser mouiller si de toute façon tu as du linge chez toi et je dois rester une partie de la soirée chez toi. Là, c'est l'intelligence qui commence à faire voir les choses. Puis en même temps, tu ne peux pas dire un mot. C'est inhibé. Alors, tu vas commencer à te désinhiber avec moi. Tu vas commencer à te rapprocher de moi pour m'apprivoiser, et moi, je ferai le même chemin, je t'apprivoiserai. Mais notre apprivoisement ne doit pas aller vers une libération, parce que là, l'union, la communion et la communication qu'on a entre nous deux va baisser de champ à un moment donné, pour aller vers le respect. Ou finalement, progressivement, il n'y aura même plus la source de respect qui nous amenait à discuter avec une autre saveur dans nos communications. Par le cœur d'Alain, je ne serai pas long. Ou de chose. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu vas poser la question, si tu aurais d'autres linges, te changerais-tu? Alors, c'est une question que l'intelligence, avec l'ajusteur de pensée, arrive à faire traverser l'inhibition. Parce que la question n'est pas si je te prêterais du linge. Alors, la réponse, ah oui, c'est sûr que si j'aurais du linge avec moi dans mon auto, alors je ne dis pas oui, ça aurait d'être là, c'est pas capable. Mais si j'aurais du linge avec moi, effectivement, j'aurais dû y penser, mais j'ai pas pensé. Alors là, on vient de se rendre compte tous les deux qu'on est d'accord sur l'intelligence de la mécanique. C'est con de rester mouillé. Puis j'ai dit ça. Peut rester là. Ouais. Ça peut rester là. À un moment donné, veux-tu une serviette? J'ai une sécheuse, peut-être peux faire sécher ta chemise. Mais garde tes culottes, garde tes bas. Progressivement, les individus, c'est extrêmement comme pénible. Mais ce n'est pas souffrant. Mais c'est pénible, une désinhibition. Parce que ça garantit une non-libération. Est-ce que c'est graduel? C'est extrêmement graduel. Et ce qui va arriver à un moment donné, c'est que moi, je vais me sentir totalement apte à accepter, par exemple, ton linge, le temps que le mien sèche. Mais je n'ai pas l'impression que maintenant, lui peut pénétrer chez moi quand il veut. Je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit a changé. Je reste totalement moi-même dans mon intégrité. Malgré qu'entre deux êtres intelligents, on soit capable de partager les choses lorsque c'est nécessaire que ce soit fait. Ça veut dire que le lendemain matin, c'est toi qui arrives tout mouillé chez moi, ça va être la même chose. Si tu arrêtes du linge, même affaire. La désinhibition implique... On serait mieux de déménager, mouille tout le temps. Parce que ça les deux journées de plus dans l'année. Là. OK. Bon. La désinhibition, ce qu'elle implique, c'est qu'elle implique que l'humain ne se libère pas. Cela veut dire que ce ne sera pas parce que facilement, subitement, on est rendu deux amis, puis là, ça y va. Non. Ça veut dire que maintenant, mon intelligence est capable de communiquer avec la tienne, alors on n'a plus besoin entre nous deux de la barrière inhibitrice. On ne descendra pas énergétiquement, on va rester comme inhibé. Comme libéré, on reste autre. Comment ça se fait qu'à ce niveau-là, l'inhibition ne canalise plus l'énergie? C'est comme dans les étapes précédentes. Moi, la façon dont je le visualisais, c'était un entonnoir à l'envers. Puis quand on était animal, on avait beaucoup d'espace. Puis plus ça va, moins tu en as, puis plus l'énergie est concentrée vers quelque chose de plus haut. La même raison, quand tu touches à de l'intelligence, l'énergie ne vient pas uniquement du sol ou de tes aliments ou de toi-même ou du monde astral, le ciel, le monde de la mort. Mais quand on touche à l'intelligence, l'énergie vient d'un phénomène extraplanétaire pas dans le sens extraterrestre là, à deux pattes avec des antennes, mais c'est une mécanique comme le Soleil, c'est extraplanétaire, évidemment. C'est le Soleil, il nous envoie à l'extérieur du contexte planétaire. L'énergie cosmique, on peut appeler ça de plusieurs façons. Dans l'ancienne religion, on appelait ça l'Esprit Saint, un esprit non coloré par l'expérience émotive de l'homme. Étant donné que cette énergie provient d'un réservoir beaucoup plus grand que celui qui constitue ton âme ou auquel ton âme est reliée, le monde de la mort, quand tu arrives à gérer une inhibition à partir de l'intelligence, tu restes réchauffé dans l'intelligence, l'inhibition peut s'en aller. Par contre, ça ne veut pas dire que on communique ensemble, disons qu'on est parvenu à une forme de désinhibition, ça ne veut pas dire qu'en regardant n'importe quel autre être humain, tu vis la même chose. Oh non! Tu resteras inhibé pour les autres. Et l'inhibition t'amène à découvrir la relation sentimentique avec l'extérieur, cela t'amène à avoir une forme d'amour drôlement plus intelligent, un amour qui n'est pas souffrant, un plaisir de vivre qui est une jouissance pour que l'animal humain à l'intérieur de l'homme et de la femme puisse comprendre. C'est un peu comme si tu avais la capacité de jouir de la vie 24 heures sur 24, comme l'homme ou la femme arrive à le faire dans un extase sexuel à peu près une demi-seconde, une demie à trois secondes. Là. Et c'est plus ou moins en permanence. Sauf que le corps physique est capable de le supporter, donc tu n'es pas en train de crier là, pendant 24 heures sur 24 à ne pas être capable de bouger. Graffiner les dos. Oui, le corps physique le supporte, donc il n'y a pas de problème. Sauf que l'humain approche d'un rayonnement de lui-même, et l'humain approche de la fin de sa corde raide, c'est-à-dire qu'il arrive, qu'il passe une corde raide, ça peut durer une journée, ça peut durer 10 ans, il traverse l'autre côté. Si la désinhibition est sélective, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on va désinhiber un par rapport à l'autre, mais pas nécessairement par rapport aux autres, est-ce que ça implique que le cercle d'amis, si on peut appeler ça comme ça, là, de relations ou de personnes à qui tu peux encore parler, va réduire beaucoup? Non. Au fur et à mesure que vous inhibez, votre cercle de relations diminue. Bon. Donc, c'est pas en termes de désinhibition que ça va diminuer. Par contre, ce qui va arriver, c'est que plus l'être humain se désinhibe, plus il aura la capacité de se désinhiber rapidement avec d'autres. Mais vous ne pourrez pas vous désinhiber avec un individu qui se libère. Je vais te donner un exemple dernièrement. J'étais avec des personnes et il y en a une qui dit à quelqu'un, tu sais, l'exemple, il brasse le bras, l'exemple, je te parlais l'autre fois. Bon, là, il jasait. Après, je leur explique, on revient sur la désinhibition. Tu sais, tout à l'heure, quand tu lui as brassé le bras comme ça, est-ce que c'était une désinhibition ou une libération? C'est ses deux grands amis. J'imagine que c'était une désinhibition. C'est un gars qui brassait le bras à la fille. Alors, je lui dis non, c'est une libération. Je comprends plus. Toi, la fille, tu as pensé quoi? Elle regardait ailleurs, quand d'autres t'ont brassé le bras. Ben, disons, très brièvement, il y a quelque chose qui m'est venu, c'était... Pas encore. Mais c'est parce que... Elle est rendue à un point inhibiteur de l'inhibition face à la désinhibition. Et elle a encore perçu le viol de son espace vital, mais par un ami, puis finalement, bon, on va le tolérer parce que... perdre son temps à continuellement expliquer. Mais l'autre, lui, il essaie de travailler la désinhibition et il s'est fait ramasser comme il faut parce que là, il venait encore de faire un geste de libération. Quelle différence il y aurait eu si les deux mêmes personnes avaient été assises une à côté de l'autre, puis les deux avaient été désinhibés, puis que l'homme touche à la femme comme ça pour lui parler? Est-ce qu'il l'aurait fait ou pas? Premièrement, l'homme n'aurait peut-être pas touché à la femme, ou encore les deux, en communication ou en communion télépathique, auraient eu la même vibration et les deux se seraient touchés. Pour complémentariser la communication, et la discussion, les mots auraient été, l'énergie des mots en tout cas auraient été totalement différents, et on aurait vu deux êtres humains vivre subitement un petit peu plus uniquement parce qu'il y a une relation qui est immédiate l'un entre l'autre, qu'ils se touchent ou qu'ils ne se touchent pas. Alors à un moment donné, il y avait deux femmes qui y en a une qui parlait, puis subitement les deux se retournent l'une face à l'autre en riant ensemble. Ils étaient totalement une personne, mais individuels dans leur conscience, ils n'étaient pas collectifs. C'était télépathiquement totalement relié, et là, c'était désinhibé. C'était super rafraîchissant, vivant. Ça a duré peut-être 3 secondes, 4 secondes, puis après, ils ont continué. La libération fait que tu apprécies tellement ta libération que tu veux l'entretenir. La désinhibition provient de l'instantané. Tu ne peux pas l'entretenir, tu ne veux pas l'entretenir, c'est partie des choses convenables. Autrement dit, si tu me prêtes tes vêtements un soir de pluie, je ne te dois rien. Et l'avantage de la désinhibition entre les individus, c'est qu'il n'y a pas d'assujettissement karmique. Alors que dans la libération, il y a continuellement compte en banque karmique qui s'accumule d'un bord et de l'autre, tu passes ton temps de voir continuellement aux autres. Est-ce que dans la libération, il y a un phénomène de dette qui s'additionne? Oui, le karma, mais qui s'additionne sur toute une vie? Ben, sur toutes les vies. La totalité des vies? Ben, j'espère que je n'ai pas emprunté trop de la meilleure famille. Ah, regardez comment tu vis. Quand tu veux te libérer, on subit ou on vit des formes de... Moi, j'appelle ça des thérapies, que ce soit des cours de positivisme ou de relations humaines ou de ce que tu voudras. Quand tu veux te désinhiber, est-ce que ça se fait aussi par thérapie ou ça se fait une forme de... C'est ça qui est le problème, c'est que si on se libère, bon, vous êtes pogné quelque part, quel que soit le pognage, donc inhibition, alors on fait une thérapie de groupe, et puis là, on commence par en parler. Fait que toutes les saloperies qui te pognent, tu en parles, puis toi aussi, puis toi aussi, puis toi aussi. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que vous devenez un troupeau. On collectivise les individus par l'expérience similaire qu'ils ont. Ah, oh, je pensais que j'étais le seul. Ben, finalement, je ne suis pas le seul. Une gang de pognées entre nous autres, au moins, on devrait être capable de se dépogner un petit peu. Bon. Là, après ça, on va commencer dans la thérapie, le toucher corporel. Hein? Bon, le toucher corporel, ça veut dire, ben, touche au genou de ton collègue à côté, touche au genou de la personne à côté, touchez-vous le genou. Pas grave, la rotule, quand même. Mais touchez-vous le genou, et que c'est compliqué. Puis après ça, et qu'on se sent bien. C'est sûr, c'est la libération. Alors, et astralement, émotivement, sécrétativement, tu commences à goûter à la mécanique, c'est-à-dire que tu redeviens comme un enfant. C'est-à-dire qu'en réalité, tu retournes en arrière, tu évolues. Mais c'est plaisant, parce que là, il n'y a pas de problème. Bon, là, et progressivement, dans la thérapie, on va toucher les deux genoux, tu sais, puis lentement, on va toucher d'autres choses. On commence par toucher les seins des femmes. On désinhibe les femmes avant. On les libère avant. Et parce qu'on a du poignet. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est parce que c'est le mâle veut profiter, en tout cas. Bon. Et puis là, il y a jusqu'à plein de choses. Il y a des places parce que finalement, tout le monde se met à danser, complètement nu, là, ça fait des bons. Et les gens, quand ils sortent de là, ils sont drôlement mieux. C'est évident. Ils sont plus involués. Ils sont drôlement mieux. Ils sont bien moins poignés. Ils sont moins conscients de ce qu'ils vivent. Ben, leur vie ne sera plus régie par leur intelligence. Elle est de plus en plus régie par l'expérience, par l'astral, par la recherche de mémoire émotive, etc. Mais elle n'est pas régie par l'expérience. Alors, lorsque, par exemple, le couple rentre à la maison, ah bien là, c'est la libération totale. S'il y a un enfant ou deux qui ne sont pas venus à la thérapie parce qu'on a c'est juste des adultes, c'est un enfant, la libération de l'adulte peut traumatiser un enfant. Hein? Alors, mais rendu à la maison, ben là, on commence à libérer un peu les enfants, puis finalement, les enfants vont être traumatisés un peu jusqu'à un moment donné où ils ne seront plus traumatisés. Bon, ça va. Mais il y a involution, c'est-à-dire qu'il y aura nécessairement, bon, dans le genre, à un moment donné, là, ça tente d'avoir une relation sexuelle avec la femme de ton voisin, là, vous avez fait la thérapie de libération ensemble. Ah, ça ne tente pas. Oh là là, on s'en va pas lié. Ah, évidemment. La libération t'amène toujours à régir ta vie en fonction d'une gestion animale. Fait que là, ben là, elle n'est pas pour dire qu'elle est accompagnée, quand même. Maintenant, on est évolué, on est libéré. Mais là, ça ne tente pas plus. Puis finalement, ben, au nom d'un paquet de stéréotypes de la libération ou de l'évolution, on va finir par y aller. Bon. Ou bien, elle va recommencer à s'inhiber. Mais là, ça chicane entre le bonhomme et elle dans la famille. Parce que là, ça ne va plus. Parce que lui, libéré et elle, inhibée, ça ne va pas. Il va aller se libérer ailleurs. Puis est-ce que désinhiber, les deux se désinhibent en même temps? Pas nécessairement non plus. Tu ne, et vous ne pourrez pas, vous allez dire, oui, mais c'est un maudit problème. Non. C'est un grand avantage. S'il y en a un qui est libéré puis l'autre est désinhibé, c'est pas ça que je vais faire des enfants forts non plus. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Donc ça va faire une relation plus agréable que celui qui est libéré puis l'autre pas libéré. Non, parce qu'il n'y a pas de couple. C'est impossible un couple où il y en a un qui est désinhibé puis l'autre qui est inhibé. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de couple qui le sont? Ou pourquoi? Parce que ça ne peut pas se faire. Parce que les deux ne peuvent pas l'atteindre ou parce que les deux doivent l'atteindre en même temps? Ah non, non, parce que tu n'as pas compris une chose que j'ai dit tout à l'heure. Tu aurais compris, ils pourraient le faire. Mais c'est parce qu'ils sont individuels, c'est pas un couple. Ça, je le sais. Non, oui, puis non. Simplement parce qu'on ne peut pas se désinhiber seul, premièrement. Comment ça? Parce que l'inhibition est en face d'individus. Ah, elle peut être en face de moi aussi? Non. En tant que, ben oui. Non, non. Elle n'est on ne peut pas être inhibé face à soi-même? Ça, c'est la culpabilité, c'est la médiocratie psychologique qui fait que tu penses que tu es inhibé face à toi-même. Tu ne l'es même pas face à toi-même. Mais si on a un sentiment de culpabilité, de honte, de gêne, c'est pas face à une situation... C'est pas une inhibition, nécessairement. Ah, parce qu'il y a une situation, il y a quelqu'un d'autre. Oui, puis en plus, ce n'est pas une inhibition nécessairement. Par contre, tu peux prendre ces mots-là pour les mettre sur le dos de l'inhibition pour essayer de cerner l'inhibition. Si on se trouve pas beau parce qu'on est gros, c'est une inhibition ou c'est pas... C'est inhibé face peut-être à la vision collective, c'est pas inhibé face à toi. Ben, la personne pourrait être seule dans sa chambre, se regarder dans le miroir, se trouver gros pareil. Pas si la personne est seule, ça pénétère, ou si tout le monde est gros, elle ne trouvera jamais gros. C'est toujours par rapport au jugement. Collectivité. Ouais. C'est simplement une vision collective. Elle est inhibée face à une vision de la collectivité, une vision qui irait avec elle. Bon, c'est tout. Les femmes grosses qui longtemps étaient pognées. Ils sortaient pareil sur la rue. Quelqu'un d'inhibé ne sortira même pas sur la rue. Bon. Puis, bon, ils faisaient des jeunes, elles maigrissaient. Là, les femmes grassouillettes reviennent à la mode. Fait que là, tous ceux qui sont minces, ben là, à un moment donné, ils vont s'organiser pour engraisser. C'est eux autres qui restent chez eux, les petits gros sortent. Ben, ça va se faire encore, puis dans 50 ans, on va recommencer encore à tourner vers les femmes minces. Bon. Ça fait bouger les sécrétions dans leur frère, ça nourrit le monde de la mort. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être humain qui se désinhibe est un être humain qui, par l'intelligence, voit la stupidité d'être pogné. Et non pas l'être humain qui, par la voix émotive, voit le plaisir qu'il en tirerait de ne pas être pogné. Comment les deux... C'est la nuance. Oui. Bon. Mais comment les deux dans le même couple? Dans un couple. Les deux seront inhibés l'un envers l'autre ou libérés l'un envers l'autre ou désinhibés l'un envers l'autre. Il n'y aura jamais de libérer les inhibés. Est-ce que c'est par là que commence la désinhibition? Non. Nécessairement. Voilà. Ça peut commencer par le couple. Tant mieux, ça commence par le couple. Ça devrait. C'est préférable tant qu'à être pogné en couple. Mais prenons l'exemple d'un couple où la femme est à la maison puis le mari est sur le juste pour faire un prototype de ce qui existe beaucoup. Le mari est à l'extérieur, puis lui, il se désinhibe, donc parce qu'il y a plus d'occasion d'être face aux autres. Non, il peut se libérer face aux autres. OK, mais disons qu'il se désinhiberait. Il va automatiquement se désinhiber avec sa femme. En même temps. Mais comment elle va se désinhiber face à lui? Elle n'a pas la même occasion de vivre le même nombre d'expériences ou de relations frustrantes ou gênantes. Les deux vont être frappés de la même intelligence en même temps. Si le bonhomme rentre dans la maison, puis quand il parle à la bonne femme, il parle uniquement au niveau d'intelligence. C'est très, très, très simple. Le bonhomme qui décide, par exemple, juste de respecter le corps de sa femme en fonction d'un être intelligent, bien, automatiquement, la femme va être immédiatement prête à communiquer d'une façon intelligente. L'être humain est intelligent. L'être humain privilégie l'intellectuel. Ça compte que c'est toi qui apprends à l'école. Avoir une bonne mémoire pour passer des examens. Bon, mais les êtres humains sont intelligents. Sauf que les êtres humains n'ont pas appris à faire confiance à leur intelligence. Quelqu'un, ton aspirateur, il brise. Qu'est-ce que les gens font? Est-ce qu'ils le défendent pour essayer de le réparer? Ça, c'est l'expression d'intelligence. Apprendre sur le tas, instantanément. Si tu ne découvres pas le problème, c'est pas grave. Mais la majorité n'oseront pas. Ils font confiance à leur intellectuel. Dans la relation couple, c'est encore bien pire. Êtes-vous psychologue? Non, ben, qu'est-ce que vous savez de bord d'une relation de couple quand ça va pas? Si on commence à parler, à privilégier l'intelligence dans la relation, ben, nécessairement, on va se rapprocher du facteur de désinhibition. Et ça ressemble à quoi, une désinhibition de couple? Ça ressemble à ceci. Tu es la femme, on s'assoit ce soir dans notre salon, et puis on doit se désinhiber. Bon, on ne se le dit pas comme ça. Je pourrais commencer par couper ma moustache. Ça l'aiderait un peu. Bon. Mais on fait quoi? Tout à l'heure, tu disais, il y a des thérapies pour la libération, il y en a-t-il pour la désinhibition? Il n'y a aucun truc pour évoluer. Il y a des trucs pour vous écœurer. Et ça devient un truc pour évoluer. Quand, à un moment donné, il y a eu des trucs très longs. Les religions sont des trucs, ce sont des techniques de relation. Hein. Religion, c'est religare, qui veut dire relier, te relier avec Dieu. Sauf que ces techniques-là ne te libèrent jamais d'elles-mêmes. Ce sont des techniques qui te rendent esclave. Ça te libère de d'autres choses, mais ça te pogne là-dedans. Exact. Jusqu'à temps que tu t'inhibes suffisamment pour traverser les intelligences qui va faire monter, mais la technique elle-même ne le fait pas. Bon. Quand on commence un processus de désinhibition, ça va être, bon, ce soir, on aimerait se rapprocher tout en préservant le respect. C'est-à-dire que je suis suffisamment inhibé que je ne sais plus comment me rapprocher de ma femme. Alors, disons que je m'assois près d'elle, mais en même temps, j'ai peur qu'elle pense que je veux l'acheter pour ce soir. La louer pour ma soirée. Oui. D'accord, la louer. Alors, c'est pas ça que je veux faire. Je ne peux pas me rapprocher d'elle. L'inhibition, l'intelligence, je ne veux pas qu'elle interprète. Alors, tout ça, ce sont des mécaniques qui prouvent l'inhibition. Et en même temps, ben, je vais lui dire, ça devient compliqué. Et là, les mots vont manquer. J'aimerais être près de toi, puis j'aimerais pas que tu t'imagines quoi que ce soit. Peut-être ta femme peut dire, ben moi, non, on est mariés. Il y a une maîtresse. Ah bon, pas une maîtresse. Et c'est ce qui va créer le problème. Donc, normalement, la meilleure chose, c'est de parler avec ta femme de la désinhibition. Par exemple, on a une conférence ce soir là-dessus, elle écoute la conférence sur cassette. Alors, minimum, on va comprendre l'idée. Parce que le problème, c'est que l'être humain est manipulé à 100% tant qu'il est géré par les vestiges de l'évolution, c'est-à-dire par aujourd'hui aller jusque dans le passé, l'expérience. Tant que l'être humain reste assujetti à des archétypes, à des formes, quand l'être humain s'approche de sa femme, ben à peu près tous les hommes le font de la même façon. Quand ta femme approche de l'homme, toutes les femmes le font de la même façon. Et peut-être, j'allais dire, il y a 100 façons différentes, parfait, il n'y en a pas 101. Il rentre dans une de ces 100-là. Ce sont des vieilles formes, des archétypes. Là, ce qui arrive, c'est que chaque fois qu'on va entreprendre la désinhibition, il y a des grandes chances que l'autre se fasse récupérer par un archétype de ce que tu fais. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que la désinhibition mène à un néotype. Nouveau. Oui, c'est comme compliqué ce soir la conférence un peu parce qu'il y a quand même des mots qui sont nouveaux, mais c'est évident parce qu'on n'en a jamais parlé dans l'histoire de l'humanité. Bon, on a amené le mot, bon, c'est une inhibition, il faudrait que tu t'en libères. Je suis d'accord. Il faut te désinhiber et non pas t'en libérer. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme qui commence à se rapprocher de sa femme et la femme qui s'approche de l'homme de façon désinhibée, comment vont-ils vivre leur relation? Mais vous ne le savez pas et vous ne le saurez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'archétype, il n'y a pas de vieille forme dans la conscience humaine, dans les livres de psychologie, dans les religions. Il n'y a pas de vieille forme qui peuvent nous donner l'idée de ce à quoi ça va ressembler. Ah oui, mais bon, alors, j'expliquais dernièrement, deux êtres désinhibés marchent dans la forêt. Disons qu'il fait chaud, alors ils se déshabillent, ils se baignent dans un lac, donc c'est normal qu'ils soient nus, ce qui est logique, qu'ils se baignent habillés. Ils sortent du lac, se font sécher au soleil. Ils marchent encore un peu dans la forêt. Il n'y a pas un homme, une femme. Il n'y a aucune vision sexuelle là-dedans. Ils sont trop bien pour commencer à venir colorer ça avec l'archétype de l'animal humain. Et subitement, ils découvrent une boîte de conservateurs rouillée et ils se réveillent. Pourquoi? Parce que ça les ramène. La boîte de conserve vient perturber tout le cadre, toute l'onde de forme de l'événement. Alors, ils n'ont plus le goût d'être nus. Mais pas parce qu'ils étaient nus. Mais il y a quelque chose qui ne va plus. Le cadre est brisé. Il y a de l'impureté dans le paysage. Tu ne peux pas être désinhibé en face d'un phénomène libéré. Il y a dans le... Tu jettes ta canne de boîte de conserve dans le bois. Il y a... C'est un acte libéré. Ce n'est pas un acte désinhibé. C'est une libération. Alors, ça va rouiller. C'est pas grave. C'est l'animal qui coupe la patte dessus. Ça guérit. Bon, tu mourras. C'est l'animal. Tu te libères. Bon. La libération crée un onde de forme dans le paysage. Qui fait que toi, désinhibé, quand tu rentres là-dedans, il y a maintenant un troisième personnage, l'événement de la boîte de conserve, qui est libéré, et ça n'entre pas en harmonie avec toi. Alors tu vas dire, oui, mais un être humain évolué ne devrait pas être altéré par cela. Mais ça, c'est la vision archétypée de l'être humain évolué. Mais l'être humain évolué va nécessairement s'ajuster à quelque chose comme ça. Les fabricants de conserves devraient le marquer en arrière, ça. Ne jetez pas vos conserves, parce au que cas, ça va ouais, empêcher jour. Quelqu'un de se déshabiller plus tard. C'est ça, jette-la pas, mais cache-toi. C'est pour coller la cassette de ta conférence à côté pour que le monde comprenne. Ça serait bien, ça serait financièrement rentable. Mais ça ne servirait pas grand-chose. Mais est-ce que c'est parce que ça les connecte... Je ferai la cassette avec la boîte de conserve. Est-ce que c'est parce que ça nous connecte à une mémoire, à quelque chose qui enlève l'instantané? Oui. C'est pourquoi je dis que la désinhibition, quand on va vouloir chercher, qu'est-ce que c'est? Fouillez convenablement chez vous, vous avez tous des parties vibratoires, pas tout à fait des mémoires, parce que bien souvent, on n'a pas appliqué une des techniques PMC qui est l'utopisation. On n'a pas utopisé, on a rarement essayé de parler d'une utopie de vie. Pas rêver, parler d'une utopie. Rêver, c'est souvent essayer de se voir dans les histoires des autres. Comment aimeriez-vous vivre une relation événementielle, donc l'événement complet, entre deux individus? Comment on aimerait vivre la relation? Entre vous et un enfant, vous et le voisin, vous et votre mari ou votre femme. Puis l'être humain désinhibé n'aime pas toute la société et tous les humains. Il ne déteste aucun humain. Mais il ne peut pas entrer en harmonique vibratoire, en communication avec tous les humains sur la planète, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas de problème avec les autres. Il sera habillé comme les autres, il sera ajusté comme les autres, il parlera comme les autres. Puis lorsqu'il rentre chez lui ou lorsqu'il rentre chez elle, lorsque les deux, le couple par exemple, se voit, automatiquement, il y a une relation qui va se faire dans des plans qui sont les plans d'intelligence, dans les plans mentaux, dans les plans psychologiques et émotifs, les plans astraux, dans le plan vital, puis dans le plan physique, sans qu'il y ait nécessairement une relation sexuelle. Est-ce que ça l'est? Incalvision, c'est une relation au niveau physique, on se voit. Bon. Et automatiquement, ils vont recommencer chaque fois leur désinhibition. Ça va prendre peut-être 5 secondes, 10 secondes. Parce que la désinhibition n'est pas acquise. Elle est à refaire à chaque fois. Gage que l'intelligence dirige la chose. C'est-à-dire que lorsque l'on se voit, on va, dans l'intelligence, qui s'exprime sur tous les plans, réétablir nos voies de communication. Ça veut dire qu'un soir, on pourrait se voir, on ne serait pas inhibé, puis le lendemain, je pourrais l'être ou tu pourrais l'être. Non, chaque soir qu'on va se rencontrer, on va être inhibé et on va se désinhiber. Peut-être qu'un soir, on ne pourra pas. Peut-être qu'un soir, ça va prendre 2 heures. Peut-être qu'un soir, ça va prendre 10 secondes. Et lorsqu'on sera habitué de vivre désinhibé l'un envers l'autre, eh bien, chaque fois qu'on va se rencontrer, il y aura un 10-15 secondes de désinhibition essentielle qui vont me permettre de faire quoi? De te percevoir vibratoirement et je saurai que ce soir, il ne faut pas que je lui parle. Puis c'est correct. Puis toi, tu seras aussi bien avec moi. Mais tu n'auras pas le goût de parler. Peut-être dans une heure, tu vas commencer à avoir le goût de jaser. Un autre soir, je le rencontre, il y a le goût qu'on soit plus proche, etc., etc. Il y aura continuellement, mais la libération, c'est que c'est nécessairement acquis. Moi, je rentre à toi, puis tu n'as plus rien. On ne sait rien. On libère ensemble. La désinhibition ne mène pas là. La désinhibition, elle se refait 10-15 secondes chaque fois, avec chaque individu. Et par exemple, je suis avec ma femme, et mon garçon ou ma fille est là. On ne pourra pas se désinhiber, ma femme et moi. On ne pourra pas se désinhiber, mon enfant et moi. Ni ma femme et mon enfant. Parce que ça se fait à deux pour commencer. Alors, j'aurai une relation désinhibitrice avec mes enfants, un à la fois, avec ma femme. Et progressivement, on pourra, lentement, ça va commencer à être capable d'associer une troisième personne dans le triangle. Progressivement, peut-être ma fille ou mon garçon, ma femme, un quatrième personnage. C'est-à-dire que quand ma femme n'est pas là, ma fille n'est pas là, je vais être superbement bien désinhibé avec mon garçon. Si on a suivi un processus de désinhibition, on s'apprivoise l'un l'autre par de l'intelligence et non pas par le résultat émotif que l'on aimerait vivre. Mais la relation de désinhibition, même si elle se fait entre chacun des individus de la famille, dans l'exemple que tu donnes, est-ce que c'est pas quand même mémorisé par l'ego, puis qu'à chaque rencontre, c'est plus facile de se désinhiber? Ça ne sera pas plus facile à cause de l'inhibition. Tu vas venir pour poser. Bon, là, vous allez vous sourire tous les deux. Il y a une communication qui se fait télépathiquement, mais ce que tu allais dire mémorialement, pense même pas l'inhibition trop puissante. Alors, ça va être. Puis là, tu vas voir qu'il y a des choses qui se font où il y a une problématique. C'est quand vous allez vouloir. On peut revenir lors de la deuxième partie sur la désinhibition. C'est sûr que ça fait une conférence. C'est un sujet qui est extraordinairement vaste, surtout par le fait qu'il est neuf. C'est quand on commence à vivre le phénomène de désinhibition, c'est toujours, oui, bon, mais qu'est-ce qu'on doit dire pour se désinhiber? Vous devez le découvrir. Oui, mais ça a bien été, puis la fois d'après, on a voulu répéter le même processus, ça n'a pas fonctionné. Non, vous ne pourrez pas vous libérer. Oui, mais c'est comme toujours aussi souffrant. Non, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment créé une forme nouvelle, un néotype. Et progressivement, vous allez pénétrer dans le néotype, et c'est le néotype qui va t'aider, mais ça ne sera pas une libération. On va revenir lors de la deuxième partie là-dessus. Pour les personnes intéressées, il reste quelques places pour le prochain séminaire avec Daniel qui a lieu en fin de semaine. Ceux qui veulent des informations, pour vous informer à la sortie. À tantôt!